le bateau. Sur toutes les plages, de tous les coins, il y a des mômes qui tendent la main et au navire de passage. Et si pour toi là-bas c'est le paradis, dis-toi dans leur petite tête le paradis, c'est ici. Les mers, sur toutes les plages, il y a des mômes qui tournent le dos à leur bain. Sur toutes les plages, tous les pontons, sur toutes les plages, il y a des petits garçons qui fixent l'horizon. La main au bateau.